Temperance Movement avec Caught in the Middle, extrait de leur album Deeper Cut, sorti en 2018, c'est leur dernier, mais pourtant, qu'est-ce que c'est bon ça. Et Temperance Movement, ils seront en concert à Paris dimanche à l'Alhambra. Ça, si vous avez envie de voir du très bon rock 70s, n'hésitez surtout pas. Eux aussi seront en concert, mais plus près de chez nous, puisqu'ils seront au Dropkick vendredi soir. C'est les Parisiens de Two Sisters avec leur nouvel album She Life Monster. Et c'était Shake Shake que vous avez eu qui ouvrait donc l'émission. On va se faire la première nouveauté de la soirée et on va s'écouter un peu de doom metal de qui nous vient de Bordeaux avec le groupe Carcol. Alors Carcol, c'est un groupe qui existe depuis 2016, donc il y a déjà un certain nombre d'années, et qui vient donc de sortir son troisième album là il y a quelques semaines. Alors si vous aimez les ambiances à la Candlemass, Obsessed, The Trouble, ce genre de choses, vous allez adorer. Les morceaux sont très longs, mais vraiment épiques. Il y a vraiment une belle découverte. Je sais que depuis que j'ai reçu l'album, je dois avouer que je l'écoute vraiment régulièrement et j'apprécie beaucoup. J'espère qu'il va en être de même pour vous. Donc, extrait de cet album qui s'appelle Twilight of the Mortals. Et on va découvrir le morceau For Every Second. We'll be right back. Every's Gone Second, ça c'est un extrait donc de Twilight of the Mortals, le troisième album des Bordelais de Carcol, et c'est également la première nouveauté pour Electric Shock ce soir. Et bien maintenant on va se faire quelque chose de plus rock'n'roll, on va revenir tiens à l'album d'Obsidian Exploring Fate, rock'n'roll un peu grungy, et on va s'écouter Clean. With you I feel for it. De Helm avec leur nouvelle EP Reflets Irisés, c'était Vestige. Juste avant, c'était Exploiting Fate, donc le nouvel album de Obsidian, leur premier aussi, et le morceau Clean. Allons faire un petit tour en Germanie, retrouver le maître du métal Udo Dirkschneider, qui a donc revisité son album mythique de son ancien groupe Accept, Balls to the Wall, sous le titre Balls to the Wall Reloaded, où donc il l'a réenregistré, donc en invitant aussi plein de ses amis. Par exemple, comme Dee Snider, qui chante donc en duo sur ce fabuleux Losers and Winners. Enfin, je dis fabuleux. Tout l'album est fabuleux de toute façon. Et Dee Snider s'en donne vraiment à cœur joie. Vous allez pouvoir entendre ça tout de suite. Feel better. The Fight, ça c'était les Italiens de Bastet avec un extrait de leur premier album, album éponyme sorti en 2022. Et Bastet sera en concert samedi soir au Demon Bar à Outerville en compagnie du groupe Last Riders. Juste avant Bastet, c'était Udo Dirkschneider avec sa reprise de Losers and Winners, extrait donc du Balls to the Walls Reloaded, où il était accompagné de Dee Snider, ex Twisted Sister, et les deux ensemble, ça le fait, croyez-moi, vous avez pu vous en rendre compte. Et bien on va se faire une nouveauté, donc la deuxième de la soirée, avec un album sorti il y a de ça quelques mois, puisque apparemment c'est sorti au mois d'octobre dernier, vous dites ça commence à dater, ça fait presque plus de 6 mois, mais j'ai découvert son existence que là il y a 15 jours à tout casser, c'est-à-dire je veux parler du nouveau live qui normalement devrait être le live testament de Mr Big, qui s'appelle The Big Finish Live. Alors c'est vrai que Mr Big, on va dire, depuis la mort de leur batteur Pat Torpey, était un petit peu en survie quelque part. Ils avaient décidé donc de faire une dernière tournée en hommage donc à leurs copains. Une tournée donc qui s'appelait The Big Finish, qui a commencé en 2023, où a été d'ailleurs enregistré cet album justement à leur endroit fétiche, c'est-à-dire à Tokyo au Budokan au mois de juillet donc 2023. Et au mois de juillet cette année, on a eu la surprise de voir un nouvel album studio qui devait être censé être l'album ultime, qui s'appelle Ten, donc leur 10e. Et donc est sorti sur un petit label américain quelques temps plus tard. Ce live là dont je vous parlais à l'instant, donc j'ai fait la découverte là il y a juste quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un live de Mr. Big? Ben, musicalement, ça joue toujours aussi bien. Ça, c'est pas un souci. Des lives de Mr. Big, il y en a un paquet. Et qu'est-ce qui peut faire que celui-ci est plus intéressant que les autres? Ben, parce qu'on y retrouve, ben, les classiques, évidemment, quelques morceaux acoustiques, des reprises bien senties. Évidemment, les inévitables solos de guitare et de basse qui vont ravir les musiciens. Ce qui intéresse, le petit truc en plus, c'est que bah, le groupe interprète l'intégralité de leur album Lean Into It, qui est à la fois le plus connu et le plus vendu. Et d'ailleurs, c'est deux petits extraits de cet album qu'on va se faire ce soir, avec tout d'abord bah, le classique à la perceuse, Daddy Brother Lover Little Boy's Electric Drill. It's our time now. It's our time. Yeah. We gonna get a little closer. As close as we can get to you. Second. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ça fait toujours du bien de réentendre un petit Mr. Big, Alive and Kicking, Daddy, Brother, Lover, Little Boy, The Electric Drill. Donc, tous deux extraits du dernier live, The Big Finish Live, qui est donc la deuxième nouveauté de la soirée, bien que l'album soit sorti donc au mois d'octobre, mais c'est une nouveauté donc pour Electric Shock. Un petit peu de black metal maintenant, tiens, pour changer. Bah, tiens, on va aller faire un petit tour en Suisse, retrouver le groupe Borgne, groupe de black metal industriel, et son nouvel album Renaître de ses fanges. On va s'écouter un petit instrumental digne d'une bande de son bande sonore d'un film d'horreur qui s'appelle tout simplement Introspection du néant, et je trouve que ça va très bien avec ce qu'on va entendre maintenant. Ce petit moment de douceur vous est offert par Electric Shock. Electric Shock, l'émission préférée des ORL de Orléans et de toute sa région. Et Electric Shock, que c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. À l'instant, c'était donc les Belges de Raoum avec leur album Emperor of the Sun. Et là, on a pu s'écouter cette petite douceur qui était Eclipse of the Imperial Dawn. Et juste avant Raoum, autre petite douceur instrumentale aussi avec un extrait du nouvel album de Borgne qui s'appelle Renaître de ses fanges et c'était Introspection du néant. De la Belgique au nord de la France, bah, y a qu'un pas et on va faire un petit bond à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll avec le nouvel album de Bure que je vous présentais depuis plusieurs semaines. On va se faire donc un extrait de Plus vite et plus fort avec le morceau Jeu d'enfant. So Les Nantais de Stinky avec leur dernier album Soleil, c'était Alignment. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas diffusé. Juste avant, Biure, groupe venu du Nord avec Jeux d'enfants. Et ça, c'était extrait de leur album Plus vite et plus fort. On va se faire la troisième nouveauté de la soirée maintenant avec un groupe de death metal, enfin un mélange de hardcore, de death metal, de black metal qui s'appelle Areis. Alors Areis, c'est un groupe qui nous vient de Bagnols-sur-Cèze, donc de l'Occitan. Ils existent depuis 2019 et c'est leur deuxième album qui s'appelle donc The Calling, qui est sorti vendredi. Vous voyez, c'est tout chaud, tout bouillant. Vous voyez, en nouveauté, je vous passe une nouveauté qu'à 6 mois avec le Mr Big, et là, je vous passe un truc vraiment tout chaud, tout bouillant. Ça fait, bref, ça fait une moyenne. Alors, si vous avez envie de découvrir, restez bien à l'antenne. On va s'écouter maintenant Shattered Land. Corporal Punishment avec Victory and the Day After, extrait de leur premier album Inverted Demise. Juste avant, troisième nouveauté de la soirée avec Areis, groupe qui nous vient de Bagnols-sur-Cèze, et son album The Calling, c'était Shattered Lands. Après ces petites douceurs, eh ben tiens, on va faire un retour à du pur heavy metal digne des années 80, avec le premier album des Américains de The Watcher, Out of the Dark, dont on vous a déjà passé quelques extraits depuis ces dernières semaines. Eh ben, c'est tout simplement le morceau qui donne son titre à l'album qu'on va se faire maintenant, c'est-à-dire Out of the Dark. Thank you. dit assez souvent, l'avantage de la radio, c'est qu'on peut voyager à travers l'espace et le temps sans bouger le cul de son fauteuil. Ben là, c'est le cas parce qu'on vient de se retrouver en Espagne avec le groupe 1945 et le morceau Perfect Final, qui est extrait de son album Heavy Metal is Not for Sale, sorti en 2022. The Watcher, juste avant 1945, avec Out of the Dark, extrait donc de l'album du même nom. Et on va bientôt attaquer la dernière demi-heure d'Electric Shock, on va se faire donc aussi la dernière nouveauté de la soirée, avec un groupe de rap metal qui s'appelle Carvan, qui vient donc de sortir son deuxième album. Le premier était sorti en 2020, malheureusement, bon, Covid oblige, le groupe n'a pas pu faire grand-chose pour le promouvoir. Donc celui-ci, qui est tout chaud, tout bouillant, s'appelle Thousand Yard Stare. Alors si vous aimez ce genre de punchline, moi personnellement, c'est pas le genre de truc que j'accroche beaucoup. Par contre, je dois reconnaître qu'en live, ça doit le faire. Ce soir, allez, dans vos gueules, puisque c'est dans la gueule qu'on va se passer maintenant. Quand je pèterai mon câble, ils joueront tous les innocents. Que t'attrapes, j'ai 2 grammes dans chaque baille, y'a pas que le son, y'a des watts. Que bloque, c'est con dans une petite ruelle. Et comme un putain de maçon, quand j'avais une truelle. T'entends venir nos pas quand enfin tombe la nuit. Ouais. C'est violent et dégueu quand tu fais carmen et victime. Mal au pied, t'es écœuré, on s'emballe, on a craqué. Les yeux rouges, on fait maner, on veut taper, taper, taper. Oh, ok. Dans la gueule. Putain. Dans la gueule. Ok. Ok. Ok. Ok, oh, dans la gueule. Dans la gueule. Oh, dans la gueule. Dans la gueule. toi les égaux, tu vois que ton reflet, tu inspires le dégoût. La malhonnêteté, comment passer du tout, on est qu'un peu trop cliché à un peu plaire à des combats. TEMP pour Tribal Engine for Metal Players. C'était donc Perdition Pérenne, extrait de leur album Affre de Paix, sorti en fin d'année dernière. Et juste avant, c'était la dernière nouveauté de la soirée avec le groupe Carvan et son premier, son deuxième album Thousand Years There. C'était le morceau Dans la gueule. Et il est 20h33 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, Electric Shock a bien attaqué déjà sa dernière demi-heure. Electric Shock, donc tous les dimanches, mardi soir, entre 19h et 21h. Maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour en Égypte, à l'époque de la 6e et la 6e dynastie des pharaons, avec le groupe Amon Sethis. Et on va revenir à leur quatrième album, Part 3, Dawn of an Apocalyptic World. Et ils vont nous parler du Seigneur des Grandes Eaux avec Lord of the Dark Waters. fin de notre petit périple en Égypte à l'instant. Donc, Amon Séthis, Lord of the Dark Waters, c'est donc extrait du dernier opus, Part 3, Dawn of an Apocalyptic World, qui est sorti fin février. On va faire un petit tour du côté de Clermont-Ferrand, tiens, retrouver ISI Hate et son album The Convolution Encore. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas passé. On va se faire une petite douceur qui s'appelle In Vain. Stars in the sky, the tragedy of our man, the key in the lock, sipping mother, the lamp in the corner. Stack up the shoes. bien cool ça. Donc I Hate In Vain, donc ça c'est extrait de l'album The Convolution Encore. Maintenant, tiens, on va se faire un petit peu de death metal histoire de se réveiller. On va revenir aux Belges de Atlas, aux Suisses, parce que je raconte comme quand ils viennent bien de Suisse, Atlas Ashes est sur un album New World. Et on va se décrasser les esgourdes avec Women's Venom. Les Revenants de Gurkha, c'est leur best-of A Life of Suffering, et c'était le morceau Legacy. Juste avant, venu de Suisse, c'était donc Atlas Ashes avec son nouvel album New World, et c'était le morceau Women's Freedom. On a le temps de se faire un dernier petit morceau. Bah, tiens, on va revenir à l'album de Tungsten's Chronicles of the Living, et puis on va terminer l'émission avec Wake Up and Fight. Yeah! Wake Up and Fight, extrait de Chronicles of the Living, c'était Tungsten, et c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock pour ce soir. Ben, merci d'avoir été encore une fois à l'écoute de ce rendez-vous du métal. Alors, ne ratez pas la semaine prochaine, parce que j'aurai des invités. J'aurai Chris, de l'organisateur du festival Creekfest, de la 4e édition pour le Creekfest, dont il va nous parler avec cette année King Crown en tête d'affiche, et puis évidemment Prisma, et puis bien d'autres choses. Donc surtout, ne ratez pas Electric Shock mardi prochain. Et surtout, bah, amis nightclubbers, restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel, puisque la musique continue avec Electro Live. Et on va voir ce que l'ami Christophe a à nous proposer ce soir. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer donc aux amis nightclubbers? Moi, bon, je sais pas, on va faire de la musette ce soir. Non, non, la tech house. Un set de tech house, avec un peu de house. Deux tiers de tech house, et bon, a priori, hein. Ma playlist fait 150 titres, donc vous avez de quoi faire. Ça dépend de l'envie, ouais. Donc, 2 heures de bon son, comme d'habitude. Allez, je vous laisse en de bonnes mains. Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Salut à tous, à mardi, et je vous dis, n'oubliez pas, émission spéciale la semaine prochaine.